Chapitre 18e, les fruits de l'éducation. Avec le temps et le travail, on a bâti les pyramides, avait dit d'un ton d'oracle le sergent Delves. Mais les recherches et les peines du digne homme se réduisaient à zéro, relativement à l'objet auquel il avait comparé les pyramides. Toutes les questions et les enquêtes faites par lui et ses hommes n'avaient éclairé aucun des mouvements de Herbert Dare durant cette fatale nuit. Aussi le sergent en était arrivé assez naturellement à se persuader que Herbert n'avait été nulle part, conclusion qu'il avait tirée d'ailleurs dès le commencement. Toutes les maisons publiques, cafés, billards, hôtels, auberges, avaient subi une enquête rigoureuse, mais nulle part on ne se souvenait d'avoir vu Herbert Dare. « Pas plus que moi hors de la maison, » disait le sergent en parlant de Herbert, et Alston l'aide à en penser autant. Le clos de Poméranie était dans la désolation la plus complète. Perdre leur fils aîné d'une manière aussi terrible était pour M. et Mme Dare un coup dont il semblait qu'il ne dût jamais se relever. Quels qu'eussent été les défauts d'Anthony, et Alston Leigh affirmait qu'il en était abondamment pourvu, il l'avait aimé. Herbert, en causant avec Anna, lui avait dit que Mme Dare préférait Anthony à ses autres enfants, et il avait eu raison. Ce n'était pas tout. Bouffi d'orgueil et de vanité comme l'était Leder, l'affreuse position de Herbert était le coup le plus dur qu'il eût été possible de leur porter. Qu'il fût coupable ou non, il avait été emprisonné, et cette disgrâce ne pouvait s'effacer. Était-il coupable? Cette seule supposition leur déchirait le cœur. Mais pourquoi donc refusait-il de dire où il avait passé la nuit? La tristesse enveloppait la maison tout entière, les domestiques eux-mêmes, la figure allongée, marchait sans bruit. La jeune fille sentait qu'un malheur dont elle ne se relèverait jamais s'était appesanti sur elle. Leur étoile avait pâli et disparaissait à l'horizon. Si Herbert était reconnu coupable, elle ne reprendrait jamais son éclat. Adélaïde parlait rarement. On eût dit qu'elle portait en elle un chagrin de plus que celui de toute la famille. C'était du moins ce que supposait une excellente observatrice, la signora Barsini, en voyant Mademoiselle Dare passer dans sa chambre la plus grande partie de la journée. Rosa et Mina restaient avec leur institutrice. Rosa avait 18 ans. Elle commençait à sortir avec Madame Dare et Adélaïde. Mina devait en faire bientôt autant. Maintenant, fêtes, plaisirs, visites, tout était interrompu. La première explosion de douleur passée, les funérailles terminées, on prit le grand deuil. L'institutrice exigea que ses élèves se remissent à leurs leçons. Elles en appelèrent à leur mère. Mademoiselle était bien cruelle. Mademoiselle répliqua que son intention n'avait rien de cruel, qu'elle était sûre que l'occupation d'esprit était le meilleur remède contre le chagrin. Si elle ne voulait plus étudier, à quoi servait qu'elle restât? Demanda-t-elle. Elle s'en irait tout de suite, si madame le permettait. Elle serait fort aise de retourner sur le continent, où il n'arrivait pas de scène comme celle qui s'était passée dans la maison. Madame Dare ne voulut pas y consentir. L'institutrice était excellente. 6 mois ou 1 an de plus d'études compléteraient l'éducation de ses élèves. En outre, M. Delves avait fait comprendre que le témoignage de la signora serait nécessaire le jour du jugement. Que son départ pourrait paraître un désir de supprimer une preuve, elle dut donc se résigner à rester. « Très bien, » dit-elle avec calme, « j'y consens volontiers, à condition que ces demoiselles reprendront leurs leçons. » Madame Dare tomba d'accord avec elle là-dessus. Quelquefois Mina, qui avait toujours été incorrigiblement paresseuse, fondait en larmes sur son ouvrage et s'inquiétait sur le sort du pauvre Herbert. Un jour qu'elle pleurait ainsi, mademoiselle s'écria sèchement, « Il mérite bien d'être en prison, monsieur Herbert. » « Pourquoi dites-vous cela, mademoiselle ?» demanda Mina d'un ton fâché. « Parce que c'est un imbécile, » répliqua poliment mademoiselle. « Il dit, n'est-ce pas, qu'il n'était pas à la maison. Très bien, mais pourquoi ne dit-il pas où il était? Je le trouve imbécile, moi. » « Vous pourriez tout aussi bien dire, mademoiselle, que vous le croyez coupable. »« Mais je ne le crois pas coupable, » expliqua mademoiselle. « J'ai dit depuis le commencement qu'il ne l'était pas. Je ne le crois pas capable d'avoir fait du mal à son frère, ni à qui que ce soit. » J'étais très lié autrefois avec M. Herbert lorsque je lui donnais des leçons d'italien, et je n'ai rien vu qui me fût supposer qu'il fût cruel. En effet, l'institutrice avait, dès le premier moment, déclaré plus fermement que tout le monde sa foi en l'innocence de Herbert. Elle ne le croyait pas capable d'un pareil crime. Il n'était pas disposé à la vengeance, affirmait-elle. Aussi se trouvait-elle parfaitement permis de lui expliquer l'épithète peu flatteuse que nous venons d'entendre. La punition se faisait aussi sentir à Cyril et à George. il n'aurait pu, avec un frère à peine couché dans la tombe, un autre jeté en prison et accusé de meurtre, continuer à s'amuser comme auparavant. Et les plaisirs pour Cyril et George étaient devenus une des nécessités de la vie. Leurs amis et leurs camarades commençaient à s'éloigner d'eux, du moins ils se l'imaginaient. Cyril, dans la chambre de Samuel Lynn à la manufacture, croyait voir les ouvriers le regarder de côté. George avait compté entrer dans l'armée. Un membre influent de la ville avait à moitié promis à M. Dare de voir ce qu'on pouvait faire pour lui dans les gardes à cheval. Et George avait l'espoir que son père lui procurait l'argent nécessaire pour acheter une commission. Mais jusqu'à ce que Herbert fût reconnu innocent, si ce temps ne devait jamais arriver, la question de l'entrée de George dans l'armée devait rester dans l'ombre. C'était telle chose ne plaisait ni à Cyril ni à George. Ils s'en vengeaient en se laissant aller de temps à autre à des explosions de colère ou de mauvaise humeur. La tristesse enveloppait donc la maison tout entière. Mais le chagrin des enfants n'était rien en comparaison de celui de M. et Mme Dare. Il doit y avoir un sort sur nos fils. C'est qu'un jour M. Dare, dans l'amertume de son cœur, en se promenant avec agitation dans la chambre, sa femme assise tristement le coude sur la table, la joue sur la main. S'il n'y avait pas un sourd sur eux, ils n'auraient jamais tourné comme ils l'ont fait. Ces paroles irritèrent Mme Dare. Dans son état d'angoisse, c'était pour elle une sorte de soulagement que de se laisser aller à sa mauvaise humeur. « Tourner comme ils ont fait » répéta-t-elle avec aigreur. « Disons alors que les choses ont mal tourné, si vous voulez. Elles tournent joliment. À ce qu'il me semble, ils ont joui de tous les plaisirs de la vie et ils m'ont ruiné par leurs extravagances. Ruiné !» répéta encore Mme Dare. « Oui, ruiné, c'est à peu près là où que j'en suis. À quoi tous ces plaisirs ont-ils abouti? Il eût bien mieux valu, je le vois maintenant, qu'ils eussent été élevés dans les privations et appelés à gagner leur pain. Comment pouvez-vous dire de pareilles choses? » s'écria Mme Dare avec irritation. M. Dare s'arrêta et se posa en face de sa femme. « Sommes-nous heureux avec nos fils? Répondez-moi franchement. Comment pourrait-on être heureux avec un malheur pareil? À part cela, que sont-ils au fond? Désobéissant à notre égard, mauvais sujet aux yeux du monde. Qu'est-ce qui dit qu'ils sont mauvais sujets ? Interrompit Mme Dare. Une voix intérieure lui disait qu'elle aurait pu se dispenser de faire cette question. Ils sont un peu légers, peut-être, aboie-t-elle, mais c'est chose toute naturelle pour des jeunes gens de leur âge et de leur position. Ils ne sont que vifs et étourdis. Je voudrais que leur caractère eût été dompté, reprit M. Dare en continuant sa promenade. Il est inutile de nous faire réciproquement des reproches, mais le fait est qu'il y a eu quelque chose de radicalement mauvais dans leur éducation. Anthony est parti, Herbert va le suivre peut-être par une mort pire, sans contredit bien plus honteuse. Cyril, M. Dare s'arrêta brusquement dans sa nomenclature. Ils ne nous ont donné, et nous ne donnerons jamais aucune consolation, ajouta-t-il avec douleur. Qu'est-ce que vous avez donc contre Cyril? Demanda Mme Dare. S'il est un peu léger, c'est un défaut de jeune homme distingué, il n'y a rien à dire contre lui. Est-ce que le vol est un défaut distingué? Le vol, oui, le vol. Je vous ai caché bien des choses, Julia, par égard pour vos sentiments maternels, mais il vaut mieux que vous sachiez ce que sont vos fils. Cyril aurait pu se trouver là où se tiendra Herbert, à la barre des criminels, quoique pour une faute moins grave. Et même, je ne suis pas sûr qu'il ne s'y boit pas un jour. Mme Dare regardait sans comprendre. Qu'a-t-il donc fait? Demanda-t-elle d'un ton plus timide. « Je vous ai dit que je vous avais caché ces choses et j'aurais voulu le faire toujours. Mais comme les découvertes des méfaits de nos fils nous assaillent tous les jours, il vaut mieux que vous y soyez préparés. Le matin, je m'éveille dans l'inquiétude, j'ai peur de mon ombre, je crains toujours quelques nouveaux malheurs. Herbert en danger d'être pendu, Cyril en danger d'être déporté. » Un frisson traversa Mme Dare. Elle reprit courage pour défendre son fils. « Je trouve que Cyril est réellement bien maltraité. Il devait faire ce voyage en France, et au dernier moment, il s'est vu supplanté par Halliburton. J'en étais presque plus peiné que Cyril lui-même, et j'en ai dit un mot à Mme Ashley. Vous lui en avez parlé ? Oui, je ne me suis pas tant étendu sur le désappointement de Cyril que sur le fait d'avoir été amassé par quelqu'un que nous tous, nous regardons comme lui étant inférieur. J'ai fait comprendre à Mme Ashley que nous considérions cette manière d'agir de leur part comme une injure imméritée, et j'ai fait allusion à cette affaire du billet en disant que nous croyons Halliburton coupable. M. Dare s'arrêta. Et qu'a répondu Mme Ashley? Demanda-t-il. Pas grand-chose, je ne l'ai jamais vue si froide. Elle m'a déclaré que M. Ashley était juge compétent de ses affaires. Mais quant au billet, interrompit M. Dare, elle a été encore plus réservée à ce sujet. Elle m'a répondu qu'elle préférait n'en pas parler. « Je puis vous éclairer sur les deux points, » dit M. Dare. Cyril est venu vers moi en se plaignant d'être supplanté dans ce voyage en France et j'ai consenti, imbécile que j'étais, à aller en remontrer à M. Ashley. M. Ashley m'a déclaré qu'il n'avait jamais eu la moindre intention d'y envoyer Cyril et qu'il ne comprenait pas d'où était venue à Cyril cette idée. Il a ajouté qu'il ne le considérait pas comme menant une conduite assez régulière pour être envoyé seul à l'étranger. Une conduite régulière? Quel rapport une conduite régulière a-t-elle avec une affaire de ce genre? D'ailleurs, le Quaker Lynn y allait aussi. Mais à l'époque dont je parle, M. Ashley ne voulait envoyer qu'une seule personne, Halliburton. Il m'a dit que le manque de retenue de Cyril aurait toujours été un obstacle à un voyage quelconque. Dois-je vous éclairer sur le second point? Sur le biais? Ajouta M. Dare après un moment de silence. Mais oui, répondit-elle en hésitant. Avait-elle le pressentiment de ce qu'allait suivre? C'est Cyril qui l'a pris, dit M. Dare en baissant la voix. Cyril? Oui, notre Cyril et personne d'autre. Madame Dare s'appuya contre sa chaise. Elle était très pâle. On l'a suivi jusqu'à la boutique du Blanc, où il avait changé ce billet contre de l'or. Il avait mis le manteau de Harbert retourné à l'envers. Quand il a craint d'être découvert, il en a décousu la doublure et a laissé le manteau dans l'état où il est à présent entre les mains de la police. Quelques-unes des déchirures et des coupures ont été raccommodées par une des domestiques, je suppose. « Ce manteau, » ajouta-t-il en frissonnant. « On dirait long sur nos fils s'il pouvait parler. »« Comment savez-vous que c'était Cyril qui était le coupable ?» murmura Madame Dare. « Par Delves. »« Delves le sait, oui. » Et il garde le secret par amitié pour nous. Delves a bon cœur. J'ai dit un mot en sa faveur quand il a été nommé sergent. Cela explique tout. Et M. Ashley? Et il n'y a pas à en douter. M. Ashley a des soupçons. Le seul fait qu'il n'a pas fait de recherche le prouve assez. Il n'aurait pas tenu à voir un parent comme Cyril accusé d'être voleur. Comme vous êtes dur, exclama Madame Dare en fondant larmes. Voleur? Comment faut-il l'appeler? Un long silence suivit. M. Dare reprit sa promenade. Madame Dare se cachait la figure dans son mouchoir. Enfin, leva la tête. On disait que c'était le manteau de Halliburton que portait celui qui a changé le billet. Ce n'était pas le manteau de Halliburton, mais bien celui de Herbert mis à l'envers. Herbert n'en savait rien, car je le pressais de questions. Il était sorti cette nuit-là, laissant son manteau suspendu dans son armoire. Je lui demandai comment il se faisait que la doublure ressemblât à celle du manteau de Halliburton. Il me répondit que c'était une coïncidence accidentelle. Je ne le crois pas. Je suis bien certain que Herbert, en le faisant faire, avait bien l'intention de commettre quelques mauvaises actions. Avec toutes ces réflexions, je vis, comme je vous le disais, dans une angoisse perpétuelle. Ces découvertes étaient aussi amères pour Madame Dare qu'elles l'avaient été pour son mari. « Il doit y avoir un sort sur ces garçons, » répétait-il. « Oui, mais n'avait-il donc rien fait pour l'attirer ?» Depuis que ces malheurs sont tombés sur nous, la mort d'Anthony, la certitude du sort de Herbert, la culpabilité certaine de Cyril, reprit M. Dare, je me suis demandé si la fortune dont nous avions hérité du vieux M. Cooper ne nous avait pas porté malheur. Porté malheur? Oui, elle nous a porté une malédiction. Madame Dare ne répliqua rien. Il nous avait bien averti que si nous prenions la part d'Edgar Halliburton, cela ne nous ferait aucun bien. Vous rappelez-vous avec quelle vivacité il nous parlait? Nous l'avons prise, et je vois bien qu'elle a été maudite. Quelles idées vous vous faites? S'écria-t-elle, les mains toutes tremblantes, essuyant sa pâle figure. Julia! Dit M. Dare avec un accent plein de tristesse. Nous aurions mieux fait d'obéir aux paroles du mourant. Dieu m'est témoin que la pensée de m'approprier cet héritage n'a pas traversé mon esprit sur le moment. Mais nous avons augmenté nos dépenses, et l'autre portion nous est devenue indispensable. C'est le luxe qui a ruiné nos enfants. « Comment pouvez-vous dire cela ?» répliqua Madame Dare en levant les mains d'un air désespéré. « C'est la vérité. S'ils avaient été élevés plus simplement, ils n'auraient pas eu ces idées extravagantes qui ont fait leur malheur. Sans cet héritage et la manière de vivre que nous avons adoptée, ces garçons auraient compris qu'ils devaient gagner avant de dépenser, et ils auraient mis la main à la charrue. « Julia » acheva-t-il en s'arrêtant près d'elle et en baissant sa tête troublée tout près de celle de sa femme. « Il eût été heureux, pour eux comme pour nous, que nos enfants eussent été obligés de lutter contre la pauvreté à laquelle nous avons condamné les Halliburton. »